qui voulaient tout niquer à l'époque. Le destin leur a bien rendu, demande à certaines mes potes. Le garrot accroché au bras et dans l'aiguille le poison. Les histoires finissent mal, très mal, bien trop souvent. Trop souvent déçu, on ne cherche plus les raisons. Je parle des mecs à 30 piges rongés par la défense. Les chicots pourraient jusqu'à la racine, dès le réveil la tremblote. Une bière, une ligne et ça repart comme en 40. La maïs fait rare, c'est le bordel, reste plus qu'à faire une carotte. Histoire de se mettre bien, de laisser tomber la pression. Baisse cette garce plein à 4 dans la cave sans capote. Le HIV au bout du camp, brutal sera la sanction. Ici pas de verte prairie, pas de petite maison. Tous ces cas isolés mis ensemble, au final ça fait beaucoup de monde. Mis ensemble au final ça fait beaucoup de merde. Du désespoir chez les pères, des larmes sur le visage des mères. La vie n'est pas rose, on le sait, c'est pas tourpeau, le sort te pèse. Si tu fais pas ce qu'il faut pour s'en sortir, certains prennent la mauvaise direction. Dans ce cas c'est garanti, brutal sera la sanction. La vie n'est pas rose, on le sait, c'est pas tourpeau, le sort te pèse. Si tu fais pas ce qu'il faut pour s'en sortir, certains prennent la mauvaise direction. Dans ce cas c'est garanti, brutal sera la sanction. Sur ce morceau y'a pas de traître, que des hommes qui l'ont mauvaise. J'essaie de suivre la bonne route, j'ai trop été dans la mauvaise. On fait ce qu'on veut, pas besoin d'accord, demande à Predator. Faut éviter d'avoir les narines trop près de la coque ou le cou près de la corde. Mauvaise direction, donc mauvaise réaction. Que des paroles, aucune action, donc on baisse l'élection. Tu veux du réel, alors écoute mon frère, tu vas être servi. Si les aléas de la vie font trop de proches, servis. C'est dur d'agir calmement, paraît que la santé c'est mieux que l'argent peut-être. Mais alors comment tu vas payer les médicaments? Je me dis quand même qu'il faut tenter, qu'il y a beau apprendre. Que si tu veux savoir, il faut apprendre. Et que les fachos sont beaux à pendre. Pour arriver à ce qu'on veut, les portes du droit chemin sont parées. Pendant que les snobs font se marrer, nos espoirs font se barrer. Mais on reste paré, malgré qu'il y a que la merde en arrêt. Ton Iber, Predator, les bordéliques font sa carré. La vie n'est pas rose, on le sait, c'est pas tourpeau, le sort te pèse. Si tu fais pas ce qu'il faut pour s'en sortir, certains prennent la mauvaise direction. Dans ce cas c'est garanti, brutal sera la sanction. La vie n'est pas rose, on le sait, c'est pas tourpeau, le sort te pèse. Si tu fais pas ce qu'il faut pour s'en sortir, certains prennent la mauvaise direction. Dans ce cas c'est garanti, brutal sera la sanction. Petit frère, je te le dis franchement, reste sur le droit chemin. J'écris la main près du cœur avec Tony Predator. Certains ont glissé dans la dope dure, ne font que teaser, s'entretuent. D'autres ne veulent pas taffer, préfèrent arracher des sacs de thunes. L'ignorance accentue, les mecs délaissent le DIN pour commettre des délits de merde. Trop ont pris la grosse tête, sauf péter au premier obstacle. Ici le bonheur tard, ne vois-tu pas comme Hérostat? Et pensent tous à l'omerta. Les petits zones quand les mères dorment, ils veulent tout dépouiller. Ils ont pris le chemin du brasier, chez Dan les a détournés. C'est sûr que la vie c'est sale, mais ne crois pas que la vie c'est ça. Petit frère, faut que tu saisisses de quoi il s'agit. Avant d'agir, faut que tu réfléchisses. On veut tous s'étirer d'ici, même si ça paraît difficile. Une pensée pour ceux en cabane, jamais trop tard pour se rattraper. Tant que la mort t'a pas appelé, c'est Susan, mon zinc, on sera là pour son étape. La vie n'est pas rose, on le sait, c'est pas tourpeau, le sort te pèse. Si tu fais pas ce qu'il faut pour s'en sortir, certains prennent la mauvaise direction. Dans ce cas c'est garanti, brutal sera la sanction. La vie n'est pas rose, on le sait, c'est pas tourpeau, le sort te pèse. Si tu fais pas ce qu'il faut pour s'en sortir, certains prennent la mauvaise direction. Dans ce cas c'est garanti, brutal sera la sanction. La vie n'est pas rose, on le sait, c'est pas tourpeau, le sort te pèse. Si tu fais pas ce qu'il faut pour s'en sortir, certains prennent la mauvaise direction. Dans ce cas c'est garanti, brutal sera la sanction. La vie n'est pas rose, on le sait, c'est pas tourpeau, le sort te pèse. Si tu fais pas ce qu'il faut pour s'en sortir, certains prennent la mauvaise direction. Dans ce cas c'est garanti, brutal sera la sanction. Tony, PR, Predat, déjà mort concept, Lyrics Paria, putain d'équipe. Écoute.